Salut, salut, salut, comme tous les dimanches sur Radioactive 100 FM ou le radio-active.net, c'est votre émission rock, musiques expérimentales diverses et variées qui attaque. Et comme d'habitude, on va attaquer avec un peu de rock'n'roll, du rock'n'roll de 1979, du début de la vague punk. Ce sont donc les Raincoats qui vont nous chanter You're a Million. Et comme d'hab, encore une fois, si vous avez besoin de savoir ce que l'on passe dans l'émission, rendez-vous sur le site. Et c'est parti! Impossible.

it's all a conspiracy. Sinners are going to hell. Cottonmouth, he's not like you and me. He's got a narcissistic personality. Cottonmouth, he's not like you and me. He's got a narcissistic personality. He's got a narcissistic personality. He's got a narcissistic personality. He's got a narcissistic personality. He's got a narcissistic personality. Une excellente surprise que cet album des Californiens de Frost. Je n'en attendais pas spécialement beaucoup avant l'écoute, mais plus le disque avance et plus l'évidence s'impose. Ils sont bons, voire même très bons. Avec leur air de ne pas y toucher, ils piochent des influences un peu partout en partant du noise new-yorkais de Sonic Youth, avec des touches de shoegaze bien assimilées, pour arriver à des morceaux d'obédience pop où l'on retrouve le côté paresseux des Dinosaur Junior ou Sebado, comme sur Turn It Off. Le grand déballage continue avec le côté psychédélique de Sky, instrumental possédé qui ne dure qu'une minute 40, juste le temps de s'installer avant de passer à autre chose. Production soignée, pochette arty avec beau fond rose où pose de manière faussement détachée le groupe, l'album commence mid-tempo sur Afternoon, morceau poppy où sont convoqués les fantômes de Ride. D'influence moins garage que le premier album, cette seconde livraison sent la maturité et la volonté de pondre quelque chose d'intemporel. Typiquement le genre d'album dont il est difficile d'extraire une piste en particulier, mais qui se fondra dans n'importe quelle playlist et qui gagne en consistance à chaque écoute. Plus branché plage californienne que désert, il s'affirme comme un album dont il sera difficile de trouver de vrais détracteurs et parfait pour une écoute en voiture. What? Like all the walking.

Sauce in that moment of truth, and the scene. twice when I first got a glimpse of your repulsive face. But the eye wasn't singing too good, and you know it's true. I'm gonna fold my hand, my heart is on the mend. I thought I'd never stop loving you. Just like the book we read. I waited for you inside the judge's chamber, but you must have had something more important to tell. I waited for you outside of the execution, so that it wasn't any worse than spend next to you. I'm gonna fold my hand, my heart is on the mend. I thought I'd never stop loving you till the very end. I can't believe those things you said. Broken families, broken children. Dysfunction neutralizes all this love I feel. I can't believe I found another artificial gonna fold my hand, my heart is on the mend. I think I finally stopped loving you, and that will be the end. I fantasize that you are dead. Short hair and jealous earrings and jewelry through your nose. No one but you will. Beyond your artificial world. Externally your soul is validated. The sounds you listen to are overrated. I can't believe my heart beats for an artificial girl. Vous êtes toujours sur le 100 FM, la première partie de l'émission très rock'n'roll vient de s'achever avec ce morceau des Crucifix qui s'appelle Artificial Girl. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous traduire ce que veut dire Crucifix. Et maintenant, notre rubrique récurrente sur l'histoire des Slits, sortie aux éditions Ritrut, qui vont nous permettre de continuer à découvrir la vie de ces jeunes filles. On écoutera quelques morceaux, le Man Next Door qui a été repris très longtemps après par Massive Attack, si mémoire est bonne, et encore plein d'autres morceaux. Allez, c'est parti. Ce soir-là, c'est également la première fois qu'Anna Da Silva, aussi future membre des Raincoats, voit les Slits. Elles étaient si effrontées et tellement libres, particulièrement Harry, se rappelle Anna. Elle faisait ce qu'elle voulait. elle pouvait pisser sur scène si elle en avait envie. Et Palmolive avait l'air tellement heureuse quand elle jouait qu'on n'arrivait pas à la quitter des yeux. Deswegen tragen wir halt nicht so Kleider. Wir sind Frauen und wir brauchen nicht sagen, dass wir Frauen-Movements sind, weil das ist ja nur, um uns zu sichern, dass wir Frauen sind. Aber wir wissen das ja vom Anfang. Es kann uns ja nicht wehtun. Die Männer sind die Männer, dann lass sie halt. I mean, Mädchens Kind, was ist denn das? Hast du deine Tage? Just talking about women. Ja. Ja. Wir den Frauen sagen, wir können alles, was Männer können. Nee, ich kann nicht, ich bin nur eine Frau. Ich bin eine Frau. Und zwar eine Frau. Und ich kann nur, was Frauen können. Ja? Damit das mal klar ist. One, two, three. I play music late at night, always fuss and fight, always fuss and fight, all through the night. I've got to get away from here. This is not a place for me. Besuch aus Amerika, The Bloods. Arrivant tard, Vivienne Goldman manque la bagarre sur scène, mais même si elle part furtivement au milieu du set, elle ne manque pas l'urgence et la pure folie du groupe. Ça m'a plu de voir la première apparition publique des Slits, même si j'en ai loupé une grande partie. Elles ont fait vibrer mon cœur car Ariana et Palmolive sont géniales, écrit-elle dans Sounds avec une légère erreur sur le nom. Ariana, la chanteuse principale, porte une mini-jupe de cuir noir assortie à des collants résille de rigueur. La môme est aussi charmante sur scène qu'en coulisses. Elle saute en l'air et nous traite d'imbéciles quand nous applaudissons, même si nous ne comprenons pas les paroles. Ce fut remarquable pour une première prestation. Tout le monde savait que c'était un événement. Les gens ne voulaient pas partir. C'était exaltant. Thank you. Dans son fanzine Sniffin' Glue, Marc Perry écrit « Les Slits ont donné leur premier concert en mars au Coliseum d'Arlesden en ouverture des Clash. Leur set était fou, bruyant, brillant. Elles étaient inspirées mais pas du tout en place. Tessa ne connaissait pas toutes les chansons tandis que la chanteuse Hurry Up dansait en poussant des cris. Je dois l'admettre, elles m'ont flanqué une de ces trouilles. » Parmi les personnes de la scène, y compris certaines femmes, certains ne peuvent pas se faire à l'idée qu'un groupe de filles puisse vraiment fonctionner dans le milieu punk, que le concept a trop d'une formule toute faite, qu'il laisse libre cours au machisme et que, dès le début, toute cette aventure a été empoisonnée par toutes ces hormones concurrentes. Le groupe de filles américain The Runaways est alors extrêmement populaire et par leur jeune âge, elles auraient pu être assimilées au punk, mais leur philosophie est différente. Avec toute cette agressivité adolescente, leur approche s'adresse principalement aux hommes. Et elle provoque dûment des réponses lubriques, comme celle du jeune chaud lapin branché du NME, Tony Parsons. Les Runaways ont cassé la baraque avec leur hard rock Tory des rageurs et le fait qu'elles soient des adolescentes sexy était un plus. The Runaways. Toujours calé sur le 100 FM, Lost in Space sur Radioactive, on vient d'écouter le Runaways, Cherry Bomb, groupe féminin de la fin des années 70 qui est absolument complètement différent de ce qu'on écoutait avant, les Slits, pour bien montrer la différence qu'il y avait entre un groupe extrêmement commercial et un groupe original. Et on va faire une petite transition avant notre live qui aura lieu tout après avec la chronique d'un très très bon groupe italien qui a pas mal arpenté les routes européennes ces étés, c'est les Godzilla, on aura ensuite les Buzzcocks et après c'est le live. Punk acide et psychédélique, voilà comment les Italiens de Godzilla se décrivent. Et Beast Records ne s'est pas trompé en sortant une nouvelle fois un brûlot qui vient compléter un catalogue déjà admirable à tout point de vue, dont on a déjà écouté quelques extraits dans l'émission avec Escobar et Madcaps. Originaire de Florence, ville où tout être doté d'un cerveau reste comme un couillon devant la profusion d'œuvres d'art et d'architecture, ils ne se sont pas laissés monter le bourrichon par la culture classique et revendiquent des influences très américaines. À noter la formule du trio original avec une batterie et deux guitares, ainsi qu'un chant que se partagent les trois Gus. On les sent un peu tiraillés entre l'envie de faire un bon gros bruit avec leur fuzz et le fait d'écrire des chansons parfois presque pop. Et cet équilibrisme conduit à un album qui combine admirablement les deux facettes. On a même des passages carrément planants avec Zilitla, d'autres comme Sinking in Your Sea commence garage pour alterner pop psyché et proto-grunge digne d'un Meudonnet. Et c'est finalement cette dernière image qui reste après l'écoute, celle d'une bande de touche-à-tout de génies qui revisite l'histoire du rock. Et comme me l'a dit un ami de passage cet été qui les a vus à Binic, ils déchirent sur scène. Qu'attendez-vous donc pour acheter ce disque ? Yeah. worth having? Yes, I would. Buy it to your life, sir, if it would. Le 100 FM le dimanche soir sur Radioactive, c'est Lost in Space, donc bien rock'n'roll avant de passer aux choses plus bizarres. On a eu les Buzzcocks à l'instant avec Autonomie en 1978 et là, live d'un très bon groupe qui s'appelle Guttermouth, qui est un groupe punk rock limite hardcore de la côte ouest américaine, Los Angeles. Et d'ailleurs, ils s'y produisent au Live at the House of Blues, c'est au tout début des années 2000 ou fin des années 90. On ne sait pas, mais vous allez voir, c'est vraiment pas mal. On a pour une petite demi-heure, tranquillement, bon groupe, rigolo, et à tout à l'heure. The song is called Looking Out for Number One, it's for the Irish people. If there are any... There must be someone out there who's smiling down on me. It's not really fair, I don't even care, be sure no pity on me. Hey! Put your butts up to the sky! Come on! Where's your mug, asshole? We almost choose a path and route to our demise. Some people say no to a fork in the road, but I will never think twice. A wench might make you happy, but only half the time. Singing a wife, fulfilling my life, all it takes time. If I had my way, I would roam around the world. Appear from every land and annoying every girl. When your life is over, your time has finally come. You'll never have regrets looking out for number one. Who's number one? I don't need no money, or fame, or fancy cars. You better eat, I got what I need. I'll win electric guitars. Now that the end is near, all that goes on inside your head. I was still in the 70s. You put the children in bed. Find my way out of the drum around the world. I've been from every land and annoyed every girl. When your life is over, your time has finally come. You'll never have regrets looking out for number one. If I had my way, I would roam around the world. I'd be from every land and annoying every girl. When your life is over, your time has finally come. You'll never have regrets looking out for number one. Hey! Let's fuck him up! Oh, I'm supposed to know what's on the air, and I'm about to run the same. Nothing in between you, there's nothing fit to get me into fuck. You didn't fuck. Whoa, see, there ain't nothing to get. Maybe we should take it first. So I'll bet you sign her and it makes you wanna go to bet you. What? You didn't fuck. Love a half of her is real, do not have the same idea. See, we have another guy thinking that she's here trying to fuck. You didn't fuck. Whoa, see, there ain't nothing to get. Maybe we should. So I'll face the sun and it makes you wanna go to bed too. Fuck. You need some fuck. Group bars, they make me sick, but I don't care. Suck my dick! Back and fuck the gun, I'm a prostitute. We're just trying to fuck. Woo! Just to fuck. Whoa, see you later, thanks again. Maybe we should be first. So I'll face the sun and it makes you wanna go to bed too. You like pussy? That's disgusting. Do these people do this all the time here? This place should be called the House of Snot. What? Marco! What? Marco! Fish in the water! Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. I prove wrong. I'm gonna screw all the beat the system. I kick myself in the rest of the park with my huge tumor. I should knock them all over. People, I'm hard to move. People, you gotta face the facts. Realize that we can make a difference. Cigarettes, the plague is everywhere. You know you gotta care about your freedoms. I wage my war on a personal level. They will attack me, Samson. Who's your lesson? I drink wine way before it's done. Everything will be okay. Sit at home and watch television. Don't think anymore. No time for self-expression. Keep me in the closet, man. In the dark, be a number, not a human. Oh my God, I'm drunk. Show them that I'm strong. I'll run until the end. Just you and I, my friend. Cover to that record. This song is called That's Life. Girls look really sad, like a trucker whose breath was smelling bad. Recalling that the sad cokes and cigarettes, like an of all kids who have Tourette's, like a high school reunion. A dead remark. How are you fine? I'm doing well. Looks like your wife threw in the towel. I'd rather walk the thing. Must be Frankie's in some sort of silly Franco shipping number, then it's on a bank. Got my own idea. That's no anarchy burger, but it's pretty close. Anarchy Burger! Anarchy Burger! Anarchy Burger! Started out with pocket change, learning about capital gains, raising my dividends, down was on the rise again, yeah. Oh yeah. Ring goes the final bell, pie drinking fairly well, power lines with Michael Dell, really and it goes so well, yeah. Oh yeah. So extreme, you roller disco queens go to the hustle at the Wonderland. that. She raises shrink her thighs so she gets just to fight you while we cut ourselves the teeth because I'm a sissy bun. Whoa. Neat, neat, I really think it's neat. I'm stealing every chick from every skateboarder I meet. Neat, neat, I really think it's neat. You stupid faggot rollerblader! What the fuck did you just say? Speak clearly now, what did you just say? I hate Orange County crowds, they're too polite. Come, cousin fruitcake, I help you break your hand, yeah. You come, cousin fruitcake, I help you break your fucking neck. It goes up great. She likes to read, I like TV. She's checking out my good friend Steve. She likes a beer, I like a shot. Her parents think I'm selling pot. She likes the boys in the band. She rollerblades down the strand. When I pinch her butt in public, she complains. Messages of my life washed down the... I like to drive, she likes to walk. She got me jacking in my sock. I like to drink, she likes to dance. I'm drunk again, I've cut my pants. She likes the boys in the band. I think this look, she likes that sand. When I come home late, she's got that look. I'm not talking about that DoorDash look. E-Y-Duet, just for E-Y-Duet. I would wash my car, get a job, put a reader's for my seat. For E-Y-Duet, for you, for you. For you, for you. Give me that, asshole. She likes to kiss. I'd rather. What do you want to do? All of friends. Yeah. Think I'm a schmuck, a schmuck, a schmuck. She did the boys in the band. I guess I'll be a single man. I used to want to sleep and she complained. The vicious of my life washed down the drain. Want my car, get a job, order readers for my shoes. Cycle on my big hands like I promised I would do. I will cancel my subscription to Jackson Beaver Hunt. For you, I'll do it. Watch my car, get a job, order readers for my shoes. Cycle on my big hands like I promised I would do. I will cancel my subscription to Jackson Beaver Hunt. For you, I'll do it. For you, for you. For you, for you. For you, for you. For you, for you. Well, ladies and gentlemen, the song's called Lipstick, and I think you know what it's about, right? It's about some of those ugly bitches putting their lipstick right here on your dipstick, ain't it? On a Tuesday afternoon, my mom came in my room and said, get the fuck out of bed, get in a goddamn job. So I told her, hey, hey, fuck you, mom. So I threw the phone at her head, but I missed and hit her in the snatch. So I slammed the towel with her face. Don't ever march in my room. I'll kick your ass and call the cops and tell them I'm abused and you'll wind up in jail. I'm a supporting bail. No one to post your bail. This daddy loves me more. He says that you're a... No, he says that you're... Get up. tide returns to sender. Let her rot there in her cell. I watch the dogs bait on her back. Sorry, Mom, I had to pawn the giant and silver and all your jewelry. I had to eat wrapped up bunch of prostitutes like you. You're lazy, you're stupid, a little overweight. And I'll give you 20 bucks. Mommy, you're so worthless. You're lazy, you're stupid, a little overweight. And I'll give you 20 bucks. I don't make it 50. Hey, silly bot, why don't you give me a whole goddamn bird? I'm ready to find right in jail. Maybe I'm coming to you. Yeah. Thank you. Join your sledging. Hey. Orange County. Wow, what a great place. 411. Oh, my tummy is just... Vous êtes bien sur le 100 FM, Lost in Space, sur Radioactive. Le live s'est achevé à l'instant. C'était les Guttermouth, groupe punk rock américain de la fin des années 90, début 2000. On va attaquer maintenant une deuxième grande partie de l'émission, plus calme, plus expérimentale, avec tout un tas de choses diverses et variées, et en particulier quelques petites, on va dire, nodules ou notules de Coluche quand il nous parlait de la publicité. Mais avant, on aura le Beatles Revival Band. Et oui, vous avez bien entendu, c'est des gens qui ne chantent que des chansons des Beatles. Et on commence avec All You Need Is Love. Sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. Love is all you need.